Quatrième partie, chapitre 1er. C'était 2 semaines plus tard, un peu après midi. Sur le quai, auprès de la guérite du douanier, un groupe se tenait, paraissant guetter les barques qui rentraient les unes après les autres, et, chaque fois que l'aile brune ou rouge commençait à dépasser la pointe du grand Gouin, des exclamations d'impatience s'échappaient de la bouche de l'une des personnes ainsi réunies. « Oh diable, monsieur le commissaire, espérez un brin, il ne va pas tarder !» Balanec, frottant rudement ses mains calleuses nodosités de pierre, souriait, sa chique gonflant une de ses joues, un clignotement de satisfaction battant ses prunelles aiguës. « Oui, oui, je pense bien, » faisait l'officier, « mais je voudrais déjà le voir là pour lui montrer. » Il agitait un papier bleu que le gardien du sémaphore de Penhat, servant de télégraphe à Camaret, venait de lui apporter en personne, n'ayant pas voulu confier ce télégramme important à son mousse, selon son habitude pour les dépêches ordinaires. Pierre Guivarc, sa casquette de grande tenue vissée sur son petit crâne d'oiseau, son nez en bec semblant fouiller impatiemment devant lui, assurait « Je vous promets qu'il va s'envoyer, même qu'il devrait être ici. » Maradour, se dandinant sur ses mollets bombés, avait la figure plus rouge et plus luisante que jamais. Tout son individu pétillait de joie malicieuse. « Je ne lui dirai rien, vous verrez, rien du tout. »« Madoué, tu auras raison, il croirait à quelque singerie, » objecta Balanec. Le long de la jetée, un mousse courait, les talons lui battant le dos, tellement il allait vite, télégraphiant de la tête et des bras. Le mareyeur l'aperçut le premier. « Tenez, ce macaque de Pierrick l'a vu, sûr comme je vous vois. Il s'amène pour l'annoncer. » Les impatiences s'avivèrent jusqu'à ce que l'enfant fût à portée de voix du groupe. Il cria, en effet, de loin. « V'là tonton Corentin ?» Bientôt, une barque se découpa, dépassant de ses mâts la maçonnerie de la jetée, glissa au ras du phare et arriva, coupant en biais, ses voiles s'abattant l'une après l'autre d'un gracieux mouvement de grand oiseau fatigué, reployant ses ailes contre ses flancs. Lentement, elle exécuta la manœuvre qui lui fit ranger la cale, et ce ne fut qu'au bout d'un moment que Garrec, en posant le pied sur les dalles empoissées d'eau de mer, s'occupa de ceux qui l'attendaient. « Bonjour, » fit-il. « Pas fameux la pêche aujourd'hui. Bast, il y a des dédommagements, » marmonna Maradour. Un coup de coude dans les côtes arrêta le bavard. Trempé d'embrun, les sabots claquant lourdement à chaque pas, Corentin montait la pente de la cale, chacun de ses doigts enfilé dans les ouïes de quelques poissons, Milord aux écailles d'or, demoiselle à l'armure d'argent, vieille à l'étrange mâchoire bleue, aux splendides couleurs, d'autres encore. Il levait vers ses amis une physionomie résignée et souriante, tandis que ceux-ci s'efforçaient de conserver un air indifférent. Le commissaire plus vif alla au-devant de lui. « Garrec, j'ai quelque chose à vous annoncer. »« À moi, monsieur le commissaire ?» dit-il étonné sans lâcher ses poissons, mais s'arrêtant court. Son interlocuteur agitait le télégramme. « Je vais vous lire ceci, voulez-vous ? Si ça peut vous être agréable. » Il riait, ne voyant pas quel rapport pouvait exister entre lui et ce petit papier venant d'où il ne savait, n'ayant personne qui pût correspondre avec lui. Le commissaire lut. « Jean-Vincent Corentin Garrec, patron du canot de sauvetage de Camaret. » Il s'interrompit pour interroger gaiement. « Est-ce bien vous ? Dame, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Demandez plutôt. » Le lecteur continuait, articulant tous les mots. « Est nommé chevalier de la Légion d'honneur. »« Hein ? Moi ?» Il recula d'un pas, les doigts toujours immobilisés par les poissons, presque pâle sous sa couche de hâle, pendant que ses amis l'entourant approuvaient. « Oui, toi, décoré, rudement mérité, va, pour les nombreux sauvetages qu'il a accomplis au péril de sa vie, » termina l'officier. Peu à peu, remis de cette première secousse, Corentin souriait de son bon sourire habituel qui était comme la caractéristique de sa physionomie, le signe extérieur de sa nature dévouée, honnête et simple. Il murmura, embarrassé, presque honteux. « Pourquoi cela à moi ? Et les autres ? Il lui semblait qu'il leur fit tort, qu'il leur prit leur part. Il dut cependant se rendre aux explications de ceux qui se pressaient autour de lui, disant que le tour des autres viendrait aussi, mais qu'il avait fait plus qu'eux, que c'était lui qui les dirigeait, les entraînait par son exemple, par son courage. Enfin, qu'il avait payé de sa personne, tout seul, notamment à ce dernier sauvetage au tas de poids. Il se débattait. « Tout de même, c'est trop, la croix !» Mais déjà, de voir le plaisir que cela faisait aux camarades lui donnait du contentement, et la pensée de Marianic acheva de le convaincre. Il songea « Elle sera plus fière de moi !» Il se laissa entraîner par le commissaire de la marine et son futur beau-père qui avait organisé une petite fête en son honneur. Dans la vie calme de ces gens de mer, où il ne se passe que de petits incidents, une bonne pêche, un héritage, où les morts n'ont pas de prise très violente sur le courant journalier, tant est habituelle la vision de la mort, l'accoutumance de la misère, de l'existence rude et pénible, cette croix donnée à l'un de ces héros modestes, ignorés, à qui on ne la prodigue pas, fut un événement. Cela comptait donc là-bas, en haut lieu, leur existence constamment risquée pour les autres. C'était comme un reflet de la justice, tombant tout à coup sur eux, les réchauffant jusqu'au cœur. À la fin de la soirée, après de nombreuses santé portées aux nouveaux légionnaires, le commissaire lui apprit qu'il restait une dernière formalité à remplir. C'était d'aller chercher sa croix lui-même à Paris, où elle lui serait remise, selon l'usage, en séance solennelle, par le président de la Société centrale de sauvetage des naufragés. « À Paris, Madoué, vous n'y songez pas? Qui voudrait d'un pêcheur comme moi ?» Il s'entêta dans un refus obstiné, disant qu'il préférait se passer de la croix que de faire un pareil voyage, et qu'on le trouverait tout de même toujours prêt à sauver des équipages en danger. Qu'irait-il faire là-bas, bon Dieu? Il se croirait plus perdu qu'à 100 lieues des côtes, en plein brisant. Mais le comble fut lorsqu'il sut qu'il lui faudrait une redingote pour assister à la cérémonie. Son entêtement devint alors terrible. Chacun insista tour à tour auprès de lui afin de vaincre cette obstination toute bretonne, et Pierre Guivarc remarqua. « Si tu n'avais pas les épaules plus larges que moi, je te prêterais bien la mienne. J'en ai une presque neuve, toute flambante, en fin drap noir. » Maradour expliquait. « Tu sais, ma voiture t'attend. Tu n'as qu'un mot à dire en route pour le fret. Arrivé au fret, tu prends passage sur le Réca ou sur le Travailleur. Trois quarts d'heure, une petite heure au plus pour traverser la rade et accoster au port du commerce à Brest. Voyons, c'est pas le diable. Une fois là, tu vas prendre ton billet à la gare et te voilà en chemin de fer, comme un prince, jusqu'à Paris. Ça s'avale comme une goutte. Ah, je ne dis pas, s'il fallait aller jusqu'à Toulon, parce qu'alors il y a une trotte, même que je l'ai faite trois fois du temps que j'étais au service. » Le pêcheur, égayé par la verve du boucher, mollissait visiblement. Ce fut Pierre Guivarc qui acheva de le décider. « Écoute un peu, cette redingote, il te la faudra toujours, elle te servira pour la noce, hein ? Alors quoi, dépêche, nous faisons le mariage à ton retour. Ça va-t-il ? Entendu, » conclut Corentin, faiblissant tout à fait, en sentant la pensée, le souvenir de Marianic se précipiter au fond de son cœur, comme la mer dans les flancs d'un navire par la brèche énorme qui y troue la pointe aiguë d'une roche sous-marine.